dormir ce soir. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de te parler. Et quand tu m'envoyais acheter du pain, je sais, je râlais. Toi tu te levais à 5h du matin avec ton balai pour remplir le frigo. J'ai mal, j'écris ce texte en pleurant, mes larmes tombent sur ma feuille usée. J'ai du mal à lire mon couplet. Depuis mes journées sont grises et mes nuits sont blanches. J'ai du mal à dormir et dans le noir je sens ta présence. Avec tes 2000 francs d'RMI, tu nous as acheté nos livres. C'est pas toi que j'ai enterré, tu sais, c'est ma raison de vivre. Et quand je passe devant la maison, devant la fenêtre, là où t'avais l'habitude d'être, à plus personne et personne connaît mon mal-être. À Paris, l'âme et Samira, Naïma et Hakim, Adil et puis Kemel, Amé. Tu seul sais comme on a mal, je souhaite à tous les gens du monde d'avoir une mère comme toi. Et pas au pire de mes ennemis de perdre une mère comme toi. Aucune médaille d'honneur pour une femme d'honneur, juste un cimetière, quelques larmes, quelques potes, quelques fleurs. Quand chez moi tout va mal et que se ferment toutes les portes, mais quand je me sens seul, même entouré de tous mes potes, mais quand j'angoisse tout seul et que je vois chuter ma côte, mais je regarde là-haut, je regarde là-haut. Quand chez moi tout va mal et que se ferment toutes les portes, mais quand je me sens seul, même entouré de tous mes potes, mais quand j'angoisse tout seul et que je vois chuter ma côte. Je regarde là-haut. Écrire ce texte me torture. Je me souviens de ton visage, ton sourire, ta fierté. Même dans les coups durs, les mauvaises factures, les crédits, les dettes, les perquises, les prises de tête. La vie me blesse, me laisse en point de suture. T'as connu les prisons, les hôpitaux, les foyers, les retards de loyer, les commis commis. Dans mes larmes, je me suis noyé. Hey, le mitard m'a bloqué, n'a pas bloqué mes rêves. Je voulais t'évader d'ici et t'offrir ta villa de rêve. Oui, je vous parle d'amour, car je vous parle de ce que je connais. Je culpabilise à chaque fou rire, mon moral est passé sous le trou. Mais hey, maman, tu me manques, enfin, tout me manque. L'odeur du pain arabe dans la cuisine, tes conseils, ton headsay. Des litrons dans le four, j'allais jamais en cours, la rue rend sourd. Je m'en dis ton pardon, je m'en dis ton amour. À toutes vos mères dont il existe aucune réplique. C'est dingue, ce soir le marbre a remplacé mon public. Quand chez moi tout va mal et que se ferment toutes les portes, mais quand je me sens seul, même entouré de tous mes potes, mais quand j'angoisse tout seul et que je vois chuter ma côte, mais je regarde là-haut, je regarde là-haut. Quand chez moi tout va mal et que se ferment toutes les portes, mais quand je me sens seul, même entouré de tous mes potes, mais quand j'angoisse tout seul et que je vois chuter ma côte, mais je regarde là-haut, je regarde là-haut. Comment t'oublier? Comment ne pas t'aimer pendant que je râlais devant mes pattes? Toi tu te battais devant les huissiers. Ton enfance fut terrible, le mariage forcé, le Maroc. Petite tu marchais pieds nus, moi je râlais devant mes Reebok. J'avais un gun sous le fut, t'avais un cœur sous le foulard. Tu t'es sacrifié pour trois pieds puis cinq connards. Parfois je sais plus à qui parler, je sais plus à qui me confier. Et comme Amidou mon frère, j'attends que la mort vienne me convier. Seul dans le noir je regarde là-haut. Seul sans y croire je regarde là-haut. Seul dans le noir je regarde là-haut.